Chapitre 12e, Madame de la Bourdonnais. Cette scène avait duré plus d'une heure. Le père et le fils rentrèrent dans le bal en triomphe. Devenu le héros de la soirée et toujours pris pour Luc, René attirait comme un astre tous les regards, et particulièrement ceux des femmes. Mais le premier qu'il rencontra fut celui de son frère, qui avait tout entendu et qui tremblait sous sa robe noire. « Eh bien, lui dit-il à mi-voix, ai-je dignement porté ton nom ?»« Imprudent et noble cœur, répondit Luc en lui prenant les mains, tant de périls bravés pour moi. Pourquoi ne m'avoir pas prévenu de cet horrible duel? Si je n'avais pas su défendre ma vie, j'aurais du moins préservé la tienne. Ah, quand pourrais-je t'embrasser et te remercier à mon aise? Ce n'est pas le sacrifice du sang qui coûte, soupira René, se rappelant Marie-Ange. Mais oublions les dangers du combat pour les plaisirs de la victoire. J'ai ton mariage et mon brevet, ton avenir et le mien dans ma poche. Avenir d'un jour, hélas, repartit Luc, notre père sera détrompé dès demain. Comment veux-tu, bon Dieu, que je soutienne un pareil rôle? Crois-tu donc par hasard que je te rendrai ton épée? Tu garderas ma robe et nous serons quittes. Je ne suis pas au bout de mes plans. Dieu veuille t'entendre, mais ce rêve est trop beau, je frémis pour le réveil. Les deux frères se pressèrent la main et restèrent quelque temps en silence. Un doux mirage faisait alors passer devant leurs yeux la fille de Bernard, apportant l'espérance à Luc sur le rayon d'un sourire et laissant le regret à René dans le reflet d'une larme. Le plus généreux dévouement à ses justes retours d'égoïsme. Notre héros fléchissait en le consommant sous le poids de son sacrifice. Jamais l'ange de Dinard ne lui avait semblé plus désirable qu'au moment où il la perdait. Il la voyait à sa fenêtre, au milieu des fleurs, saluant son retour, prêt à l'aimer et à le lui dire. Et son cœur défaillait en renonçant à tant de bonheur. Tout à coup, Madame de la Bourdonnais parut devant lui, éclatante de beauté, de coquetterie et de toilette, le masque d'une main et l'éventail de l'autre, la robe traînante, les épaules découvertes, les cheveux parfumés, l'œil et le sourire étincelants. Elle lui lança un regard si vif et si pénétrant qu'il demeura comme ébloui, et lâcha la main de son frère. En vain, la figure de Marie-Ange s'interposa encore, plus charmante et plus regrettable que jamais. Il s'élança vers la comtesse avec l'ardeur d'un homme qui s'attache à l'illusion pour se dédommager de la réalité. Duguay causa, dansa et se promena avec Madame de la Bourdonnais jusqu'à 11 heures. La noble dame semblait lire au fond de son âme et vouloir l'étourdir, sinon le consoler, par toutes les séductions imaginables. Elle déploya tour à tour une grâce et une finesse, une gaieté et une mélancolie, une folie et une raison dont René, qui avait pourtant vu tant de femmes de près, n'avait pas encore l'idée. Bref, l'image de Marie-Ange qui le dominait si tristement tout à l'heure ne lui remet pas un instant à l'esprit. Une seule chose l'étonnait, c'était de n'être pas reconnu par la comtesse, de n'être pas même questionné par elle à cet égard. Il savait cependant qu'elle avait réclamé sa présence au bal, qu'elle avait voulu l'envoyer chercher à Caen, et que Luc avait fini par lui avouer que c'était inutile. Alors comment, son tact si infaillible et son âme si généreuse ne le lui disaient pas? Ce jeune homme, qui cause avec vous depuis une heure, n'est pas Luc Trouin, mais René Duguay, votre sauveur, celui que vous appeliez si instamment hier. Ce bras qui vous sert d'appui, cette main qui touche la vôtre, sont les mains qui vous ont arraché l'année dernière aux vagues de Dinard. Ce cœur que vous faites battre si étrangement a senti, dans l'abîme en face de la mort, les palpitations du vôtre. Et mille fois depuis, ce souvenir enivrant a troublé ses pensées et ses rêves et fait monter à son cerveau des bouffées d'ambition à lui briser le crâne. Comment ne le reconnaissez-vous pas à votre propre reconnaissance? 20 fois René fut prêt de s'écrier « C'est moi, madame !» Mais il craignait que cet aveu ne fût un reproche ou une imprudence et qu'il n'entraînât un autre aveu plus téméraire encore. Car invinciblement fasciné par la comtesse, ne se connaissant plus lui-même, cédant à l'ébullition de sa tête, au battement de sa poitrine, à l'éblouissement de ses yeux, il avait fini par user de son incognito pour laisser paraître un amour insensé. Nouvel étonnement pour lui, Madame de la Bourdonnais ne s'offensa point et le laissa même s'exalter jusqu'au délire. Alors seulement, elle le quitta de la meilleure grâce du monde, lui donna sa main délicieuse à baiser, et prenant congé de M. Trouin, annonça son départ pour une de ses terres. Sa voiture, en effet, l'attendait dans la rue, et ses chevaux fougueux l'emportèrent au galop. Elle avait habitué chacun à ses caprices, celui-ci ne surprit donc personne, mais René demeura dans la position la plus étrange, suspendu entre un ciel d'espérance et un enfer de remords.